La crime. Arrêtez de rêver, on ne veut rien de vous. Y'a qu'au téléphone que vous faites les fous. Vous allez pleurer quand vous allez connaître une forme humaine et la fin d'un loup. Entre victimes qui se battent et pressionnent, je suis fatigué de faire des rendez-vous. Et quand je les évite, ils croient qu'ils m'impressionnent. Vous croyez que j'ai peur, ben détrompez-vous. Détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. Détrompez-vous, détrompez-vous, détrompez-vous. Je pourrais payer des tueurs pour lesquels finir en prison avec plus un rond. C'est pas bon, c'est pas bon, ouais mais bon. On vit pour l'ancien, pas la peine. J'pourrais le fumer, j'ai la flemme. Beaucoup de salles dans ce game. Ils aiment la rue, tombent amoureux de ceux qu'ils craignent. Tu lui donnes ton, atteins le bas. Sous l'été, j'vais vivre sur un bateau. Si t'as pas de transport, tout qui tombe à l'eau. Pas sûr tu vas la gagne parce que t'es en l'eau. Je t'aime pas, en vrai pas que. Je te fais pas confiance, comme un bac. Posé sur un dé, faut être sûr de vendre. Et pourquoi tu vas prendre si à la fin t'es sûr de rendre. Non, mais le mode S n'est pas pour une paire de fesses. Elle boit ton juice, tu reviens t'es moins douce. Tu te manges une baffe, car tu prends des infos. Et qu'on t'éclate, des fois dépend d'un mot, d'un mot. Marre de pas une fois que je porte au soleil. Tu sais la peine dépend pas ce que tu fais. On vit pour l'ancien, toi la fame. J'pourrais le fumer, j'ai la flemme. Beaucoup de salles dans ce game. Ils aiment la rue, tombent amoureux de ceux qu'ils craignent. Tu lui donnes ton, atteins le bas. Sous l'été, je vais vivre sur un bateau. Si t'as pas de transport, tout qui tombe à l'eau. Pas sûr que tu vas la gagne parce que t'es en l'eau.